Et bonjour Tiphaine, cette semaine à l'occasion des 30 ans de la disparition de Simenon, nous vous proposons de redécouvrir une semaine consacrée au créateur du commissaire Maigret. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, votre après-midi se poursuit sur France Culture avec le troisième numéro de notre série Simenon. Il vous est proposé ce numéro par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanal et Emmanuel Morse-Duncan. Il est venu au monde un vendredi 13 et c'est par superstition que son père a menti à l'état civil en le faisant naître un jour plus tôt. Cela l'a-t-il pour autant protégé du mauvais œil? Sans doute, oui, pour ce qui est du destin littéraire de cet infatigable forçat des lettres. Moins peut-être du côté de la vie personnelle et psychologique de ce grand individualiste, amant compulsif et enfant traumatisé par la rigidité maternelle. Tout cela, nous l'avons vu lundi, c'était avec Michel Carli au cours d'une émission disponible en téléchargement. Hier, c'est Pierre Assouline qui nous a permis de faire un voyage dans les romans de Simenon. Il a notamment été question de son livre le plus autobiographique, Pédigré, que l'on peut lire comme la matrice de tout le reste de l'œuvre. Enfin, demain, nous serons avec Benoît Denis qui a édité, en trois volumes de Pléiade, un grand nombre des romans de Simenon. Il nous parlera notamment de la réception qu'a eu l'écrivain. Et aujourd'hui, pour parler du personnage de Maigret et pour revenir aussi sur le rapport au monde sensible de Simenon, nous sommes en compagnie de Bernard Allavoine, maître de conférences en langue et littérature française à l'université Jules Verne d'Amiens et auteur de plusieurs livres au sujet de Simenon, Parcours d'une œuvre, publié en 1998 aux éditions Ancrage ou encore chez le même éditeur en mai 2017, l'essai intitulé Georges Simenon et le monde sensible de la perception à l'écriture. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. En dehors de Pédigré, je n'ai jamais eu l'impression de me mettre moi-même, de me mettre en jeu. De quelque façon que ce soit, j'essaye d'être purement objectif et jamais, par exemple, je n'ai donné ni mes pensées, ni mes sentiments, ni mes croyances, ni rien de tout cela à aucun de mes personnages. Je n'ai pas un seul personnage porte-parole dans toute mon histoire. Même Maigret, qu'on croit très souvent être en quelque sorte créé à ma ressemblance, ne l'est pas du tout, c'est le contraire, c'est moi qui ai fini par ressembler à Maigret. Mais Maigret n'a pas du tout été fait à mon image. Je ne suis aucun de mes personnages en particulier, disait en substance Simenon à André Parinaud en 1955, mais on n'est pas forcé d'être d'accord avec lui. Bernard Allavoine, bonjour. Oui, bonjour. Bon, il faut toujours être assez prudent quand on écoute Simenon. Alors, c'est vrai qu'il, concernant ses personnages, il s'est efforcé de pas leur donner effectivement ses idées, mais en ce qui concerne Maigret, là, il faut être un petit peu plus prudent. Donc, il serait davantage Maigret que ses autres personnages. Il serait quand même, oui. Ne serait-ce que derrière Maigret, il y a quand même Désiré, le père de Simenon. En même temps, il ne faut pas non plus chercher à séparer les Maigret du reste de l'œuvre. C'est une œuvre totale et avec des thématiques qui se retrouvent à la fois dans les romans durs et puis dans les Maigret, Bernard Allavoine. Absolument. L'œuvre de Simenon, elle est unique. Et j'ai toujours lutté contre cette une espèce de discrimination avec en mettant d'un côté les romans policiers et de l'autre les romans de la destinée, c'est-à-dire les romans durs. C'est la même œuvre et on retrouve notamment dans les grands thèmes que l'on abordera sans doute tout à l'heure on retrouve exactement la même chose. Au fond, ce qui change, c'est le point de vue. Dans les Maigret, c'est bien sûr le meneur de jeu, c'est le commissaire. Et dans les romans durs, Simenon se place du côté de la victime ou de l'assassin. Alors, les thématiques, allons-y. Vous en avez repéré trois en particulier. Le thème de la culpabilité, de l'incommunicabilité et de l'étrangeté. C'est plutôt angoissant pour un romancier considéré comme un romancier facile à lire. Alors, oui, ces thèmes existent, effectivement. Je pense que l'un des premiers commentateurs de l'œuvre, c'est quand même André Gide, dont vous avez parlé hier. André Gide avait fait le lien entre la veuve Coudert et l'étranger de Camus, qui étaient tous les deux sortis en 1942. Et au fond, cette notion d'étrangeté, Simenon ne la théorise absolument pas, mais elle existe. Elle existe, on peut la trouver dans une bonne quinzaine d'œuvres, pas dans toute l'œuvre. Alors par exemple, où est-ce qu'il y a l'étrangeté chez Simenon? Alors, par exemple, le personnage, justement, de la veuve Coudert, Jean, qui est un repris de justice, eh bien, il va tuer la veuve Coudert, d'une façon d'ailleurs très différente du film, de l'adaptation, qui dénature un petit peu le propos. Et au fond, après, il va se laisser prendre par les gendarmes, et il va être tout à fait dans un état de d'indifférence et d'étrangeté au monde, et on retrouve cet état dans bon nombre de romans de Simenon. J'ai une citation de Camus dans le mythe de Sisyphe qui parle de l'étrangeté, je vous la donne. Un degré plus bas et voici l'étrangeté: s'apercevoir que le monde est épais, entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un paysage, peut nous nier. Ça aussi, Simenon pourrait le reprendre à son voilà, compte. Voilà, on trouve finalement exactement, justement j'avais repris cette citation de Camus, mais on retrouve avec les mêmes mots, pas forcément dans le même ordre, mais on retrouve exactement la même sensation chez bon nombre de héros de Simenon. Donc au fond, Simenon, c'est un reflet des inquiétudes de l'homme au XXe siècle. Ce qu'on ne voit pas forcément de prime abord, mais ces romans-là ont cela en eux. Je pense qu'il a compris de façon certainement, non pas intellectuelle, mais il a senti les préoccupations de ses contemporains. Je dirais surtout à partir des romans des années 40. C'est moins sensible, effectivement, dans les premiers Maigret et même dans les romans durs des années 30. Mais cette espèce d'état. Alors, on a parlé de solitude, d'incommunicabilité. Mm-hmm. Ça, c'est un thème très très courant et très fort chez Simenon. Et d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se comprendre, les personnages oui, ne peuvent alors pas communiquer réellement. Les gens ne se comprennent pas. Vous avez par exemple un père de famille qui ne comprend pas, qui finalement ne comprend pas sa famille, c'est en premier lieu son épouse. Vous avez beaucoup de héros qui sont dans cet état de. Et puis l'incommunicabilité, c'est aussi, par exemple, le chat. C'est là vraiment deux personnages qui ne communiquent plus, qui communiquent dans un premier temps par petits bouts de papier et qui ensuite ne communiquent plus du tout. Vous avez parlé de Camus. Maurice Nadeau, lui, avait parlé de Sartre en référence à Simenon. Alors ça aussi, c'est pas quelque chose qui paraît évident a priori. Alors, pour moi, c'est beaucoup moins Sartre que Camus. Ouais. Il y a de l'existentialisme chez Simenon? Je ne sais pas. Je pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Non, pour moi, le procédé de Simenon, c'est ça. Hein, c'est le une incommunicabilité, un état d'étrangeté. Des auteurs sur France Culture. Parlons un peu de Maigret, Bernard Alavoine, dont Simenon a dit qu'il était né sur une péniche, selon une légende qu'il a savamment entretenue. En réalité, Maigret, il n'arrive pas comme ça dans l'œuvre, ex nihilo. Alors, effectivement, c'est une légende, mais comme Simenon avait déjà le sens, on peut dire, du marketing et de la mise en scène de son œuvre, oui, je crois que Pierre Assouline en a parlé un petit peu hier. La légende, effectivement, il a une avarie sur son bateau et voilà, dans un petit port hollandais, il est obligé de recalfater son bateau. Il va écrire des romans. Mais en réalité, ça ne vient pas comme réalité, ça. Et en réalité, le personnage de Maigret existe en germe depuis 1926 à peu près dans les romans populaires. Oui. Alors, il avait lu aussi un certain nombre de romanciers, Gaston Leroux, Maurice Leblanc, Conan Doyle, mais aussi Gogol, Tchekhov, et tous ces auteurs se fondent pour créer le personnage de Maigret. Enfin, il y a un certain nombre de leurs personnages à eux qui... Alors, devient Maigret. Oui, on peut dire qu'il y a une espèce de fusion entre ces différentes influences. Bon, la littérature russe, c'est vrai que c'est très important parce qu'il s'est nourri de Dostoïevski, mais surtout de Gogol et de Tchekhov pour l'ambiance notamment. Et puis après, il y a effectivement les lectures de Leblanc et de Leroux qui vont lui donner l'idée quand même du roman policier. Oui. Alors Maigret a une manière d'enquêter qui lui est bien propre et qui se déroule en trois phases. Une phase d'imprégnation, une phase d'investigation et une dernière de résolution de l'enquête. Avant d'en parler, Bernard Alavoine, je vous propose d'écouter un extrait de Maigret à New York où il parle justement, où il est question justement de la manière dont Maigret enquête, extrait lu par Françoise Rosé. Pendant des jours, parfois des semaines, il pataugeait dans une affaire. Il faisait ce qu'il y avait à faire, sans plus, donnait des ordres, s'informait sur les uns et sur les autres, avec l'air de s'intéresser médiocrement à l'enquête et parfois de ne pas s'y intéresser du tout. Cela tenait à ce que, pendant ce temps-là, le problème ne se présentait encore à lui que sous une forme théorique. Tel homme a été tué dans telle et telle circonstance. Un tel et un tel sans suspect. Ces gens-là, au fond, ne l'intéressaient pas encore. Puis, soudain, au moment où on s'y attendait le moins, où on pouvait le croire découragé par la complexité de sa tâche, le déclic se produisait. Qui est-ce qui prétendait qu'à ce moment-là, il devenait plus lourd? N'était-ce pas un ancien directeur de la PJ qu'il avait vu travailler pendant des années? Ce n'était qu'une boutade, mais... elle rendait bien la vérité. Maigret, tout à coup, paraissait plus épais, plus pesant. Il avait une façon différente de serrer sa pipe entre ses dents, de la fumer à bouffée courte et très espacée, de regarder autour de lui d'un air presque sournois. En réalité, parce qu'il était entièrement pris par son activité intérieure. Cela signifiait en somme que les personnages du drame venaient, pour lui, de cesser d'être des entités ou des pions, des marionnettes, pour devenir des hommes. Et ces hommes-là, Maigret se mettait dans leur peau. Ils s'acharnaient à se mettre dans leur peau. Ce qu'un de ses semblables avait pensé, avait vécu, avait souffert, n'était-il pas capable de le penser, de le revivre, de le souffrir à son tour? Tel individu, à un moment de sa vie, dans des circonstances déterminées, avait réagi. Et il s'agissait, en somme, de faire jaillir du fond de soi-même, à force de se mettre à sa place, des réactions identiques. Seulement, ce n'était pas conscient. Maigret ne s'en rendait pas toujours compte. Donc, La technique d'enquête de Maigret, Bernard Allavoine, finalement, c'est la connaissance profonde des âmes. Oui, alors, effectivement, c'est absolument à l'encontre des romans de détection, notamment anglo-saxons. Dans ce qu'on vient d'entendre, ce qui est important, c'est de se mettre dans la peau, effectivement, des personnages, et également le côté inconscient. Il y a une grande part d'inconscient, donc en fait... D'intuition. Hein. Et au fond, quand on parle de méthode, ce n'est pas vraiment une méthode. Alors, ce qui est important aussi à dire, c'est que Maigret, et on le comprend aussi dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ça n'est pas quelqu'un qui juge. Il regarde avec empathie. Oui, alors, comprendre et ne pas juger, c'est la devise de Simenon, qu'il a essayé de mettre en pratique, pas toujours suivi, mais en tout cas, en ce qui concerne Maigret, je pense que ça lui va bien. Il faut absolument comprendre que cette empathie est essentielle dans ce qu'on appelle une méthode qui est vraiment à l'encontre des méthodes traditionnelles de la police. Oui. Alors on peut essayer de retracer un peu la vie de Maigret, parce que après tout c'est un personnage qu'on retrouve au fil de 75 romans et de 28 nouvelles, donc on en apprend quand même beaucoup. Il y a d'abord des incohérences sur la biographie de Maigret. Oui. Dans ses ouvrages. Pourquoi il y a des incohérences? Mais tout simplement parce que Simenon a écrit une première série, la série de chez Fayard, où il y avait 19 romans. Et en 1933, il a décidé de jouer dans la cour des grands, c'est-à-dire de publier chez Gallimard, et il a laissé tomber Maigret. Et le problème, c'est que on a parlé beaucoup hier de son entrée chez Gallimard, mais les livres sans Maigret, c'est-à-dire les romans durs, se vendaient à peu près 3 fois moins que les Maigret. Donc c'est Gaston Gallimard qui a demandé à Simenon de se remettre au travail. Et je dirais c'est surtout à partir de 45, lorsqu'il est entré aux Presses de la Cité, où là, vous avez donc une deuxième série. Alors du coup, comme Maigret était parti à la retraite, il a fallu le remettre en service. Donc là, c'est déjà une première incohérence. Mais malgré tout, bon, il est retombé assez bien sur ses pattes. Il n'y en a pas tant que ça. Globalement, il maîtrise tout de même assez bien son personnage. Alors on sait qu'il est passé au lycée de Moulins, on connaît un petit peu son enfance. Alors, bon, si vous parlez des incohérences, dans la première série des Maigret, il y a un peu des incohérences sur la méthode policière, c'est ça dont vous voulez parler? Non. Non, je voulais parler de la biographie, vraiment, dans du personnage. Dans la biographie? Non, dans la biographie, alors, si, l'incohérence, c'est que si on fait des calculs, il a dû partir en retraite à oui. 67 ans, quelque chose comme ça. Non, mais au-delà de l'incohérence, voilà, ça, c'est... l'idée c'était de raconter un petit peu sa vie en tant que personnage. On sait qu'il a été pris en pension par sa tante à Nantes, qu'il a fait des études de médecine, alors ça c'est intéressant aussi, qu'il interrompt lorsque son père meurt à 44 ans, tiens, ça nous rappelle quelque chose, et puis il intègre la police à Paris, où il gravit peu à peu les échelons, avant de tomber en disgrâce et de se retrouver en province. Mais il est revenu à Paris plus fort comme commissaire divisionnaire. Et là, il règne sur le quai des Orfèvres. Alors, ce qui est intéressant aussi, Bernard Allavoine, c'est qu'on lui propose même, à quelque temps de la retraite, le poste de directeur de la PJ. Mais là, il renonce, ça nous dit beaucoup sur son caractère. Alors, il refuse, effectivement, parce que, bon, là aussi, on peut même parler d'une certaine incohérence, parce que même en tant que commissaire démissionnaire, il fait souvent le boulot d'un inspecteur. Et au fond, de passer directeur de la police judiciaire, alors là, ça le coupe complètement de son travail. Donc, il refuse. Allez, on va écouter un extrait de la première enquête de Maigret, Piètre le laiton. « Le commissaire savait qu'il n'y avait pas 10 chances sur 100 que sa faction servît à quelque chose. Et pourtant, il tint bon. À cause d'une impression vague, qu'il n'eût même pas pu appeler un pressentiment. C'était plutôt une théorie à lui, qu'il n'avait d'ailleurs jamais développée et qui restait imprécise dans son esprit. Ce qu'il nommait, à part lui, la théorie de la fissure. Dans tout malfaiteur, dans tout bandit, il y a un homme. Mais il y a aussi et surtout un joueur, un adversaire. Et c'est lui que la police est tentée de voir. C'est à lui, généralement, qu'elle s'attaque. Un crime est-il commis, ou un délit quelconque? La lutte s'engage sur des données plus ou moins objectives. Problème à une ou à plusieurs inconnus, que la raison essaye de résoudre. Maigret agissait comme les autres. Comme les autres, aussi, il usait des outils extraordinaires que les Bertillon, les Rice, les Locard ont mis entre les mains de la police et qui constituent une véritable science. Mais il cherchait, attendait, guettait surtout la fissure, le moment, autrement dit, où derrière le joueur apparaît l'homme. C'est donc l'humain qui est au cœur des enquêtes de Maigret, mais cela ne signifie pas que Maigret ne prêterait pas attention au monde sensible, et même au contraire, c'est le sujet de votre livre, Bernard Allavoine, Georges Simenon et le monde sensible, de la perception à l'écriture, que vous avez publié aux éditions Ancrage. Je dis Maigret, mais évidemment on parle de tout Simenon ici. Vous dites qu'avant d'écrire, le romancier Simenon a une capacité extraordinaire à absorber le monde sensible. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, oui, et c'est d'ailleurs le lien avec Maigret, parce que Maigret considère, on trouve souvent cette image, cette métaphore de l'éponge. Maigret est une éponge, mais Simenon est également une éponge. C'est-à-dire que il a une capacité sensorielle absolument extraordinaire. Je crois que ce qui est, on trouve ça évidemment chez d'autres écrivains, et notamment mon titre Simenon et le monde sensible est un clin d'œil à un livre de Jean-Pierre Richard sur Proust. Même si la comparaison peut paraître un petit peu audacieuse, mais il y a effectivement chez Simenon cette capacité extraordinaire. Donc c'est les perceptions visuelles, mais pas seulement. C'est aussi l'odorat, c'est aussi le goût, c'est aussi le toucher. Alors la perception visuelle, je dirais qu'elle est assez commune chez tous les individus. Même la perception auditive est assez répandue. Alors ce qui est intéressant, c'est que Simenon utilise les trois autres sensations. Donc il va utiliser les odeurs, et là c'est beaucoup moins courant. Il va utiliser aussi le goût, ouais. Et il va utiliser les sensations tactiles. Là, je dirais que c'est encore moins évident. Alors, au fond, c'est cette faculté de pouvoir déjà saisir le monde, les objets, les atmosphères, etc., à travers les cinq sens, qui est intéressant, et ensuite, dans un second temps, de les reconstituer dans l'œuvre. Alors, on a parlé d'une écriture impressionniste de Simenon, et vous donnez certains exemples, d'ailleurs, dans votre livre. Il fait une description, il fait des descriptions qui peuvent s'apparenter à des tableaux de Renoir, de Pissarro, de Monet. Comment expliquer ça aux auditeurs, parce que c'est pas facile à comprendre. Alors, oui, effectivement, ça peut paraître surprenant, mais alors, l'impressionnisme de Simenon, vous l'avez, j'irais dans les lieux, c'est-à-dire qu'il est, j'irais les bords de Seine, les bords de la Meuse, la côte normande, la côte vendéenne. C'est un thème d'inspiration qui revient souvent. Vous avez les couleurs. Bon, les couleurs, c'est très important, et pas seulement la grisaille, mais les couleurs. Et dans la façon de traiter les couleurs, ça s'apparente surtout à des taches. Et au fond, c'est de l'impressionnisme, mais c'est aussi parfois du pointillisme. Mmh. Et puis, il y a aussi, je dirais, dernier élément, il y a la lumière. La lumière avec tous ces reflets, les chatoiements, et ce qui est extraordinaire... Le côté vibrant aussi. Le vibrant, de la lumière. Voilà. Donc, il réussit à trouver des descriptions impressionnistes qui sont effectivement proches des peintres. Et il ne faut pas oublier que toute sa jeunesse, il a vécu au milieu des peintres et qu'il va avoir comme ami un certain nombre de peintres comme Flamac, etc. Il y a une couleur qui est plus importante pour Simenon que les autres, c'est la couleur rouge, ce qui n'est pas très habituel. Vous dites dans votre livre que la plupart des gens, sondage à l'appui, 40% des gens préfèrent le bleu, seulement 5% des personnes interrogées disent que leur couleur préférée c'est le rouge, et Simenon, lui, injecte du rouge énormément dans ses romans. Alors oui, le rouge, bon, là, effectivement les statistiques que j'avais pu faire sont sur, non pas sur l'ensemble de l'œuvre, mais sur une quarantaine d'œuvres quand même. Alors, c'est effectivement surprenant. En fait, j'ai confirmé des impressions de lecture. Mais ce qui est intéressant, c'est une question que j'avais posée à Simenon lorsque je l'avais rencontré pour ma thèse. Et il m'a dit, mais vous voyez, vous êtes assis dans un fauteuil rouge. Donc, voilà. Donc, Simenon... Et en effet, tout était rouge autour de vous dans la pièce. Et en fait, tout n'était pas rouge, mais... il m'a expliqué que c'était sa fameuse, il appelait ça sa petite maison rose. Eh bien, les murs et l'ameublement, il m'avait expliqué que c'était la couleur d'un des foulards de sa compagne Teresa. Il a voulu retrouver. Alors, on était effectivement dans un environnement très de couleurs très chaudes. Oui. Alors, il y a un certain nombre de références à cette couleur dans les romans. Par exemple, dans Le Petit Saint, la couleur rouge est très présente parce que le personnage de Cuchas, c'est ça, est peintre. Oui. Et il a beaucoup d'objets qui sont rouges. Il y a aussi L'Âne Rouge, tout simplement, un roman de 1932. Qu'est-ce que ça représente, cette couleur, pour lui? Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Tout d'abord, le rouge, c'est une couleur qui a des qualités esthétiques. Donc, il est sensible à ses qualités esthétiques. Et dans un deuxième temps, il y a une valeur symbolique. Et ça, c'est extrêmement... Toutes les couleurs ont des qualités esthétiques, non? Toutes les couleurs, mais le rouge, il faut pas oublier que depuis l'Antiquité, c'est quand même la couleur que l'on voit, qui réagit le plus fortement. Et donc le rouge, pour lui, c'est il faut pas faire de la psychanalyse facile, mais c'est en tout cas souvent lié à la sensualité, en tout cas dans les romans. Ouais. Et la couleur, évidemment, de l'érotisme, mais aussi des couchers de soleil qui empourprent le ciel. Alors là, on retrouve effectivement le côté impressionniste. Ouais. Alors, il y a toujours dans cette description un peu picturale qu'affectionne particulièrement Simenon, beaucoup de paysages d'eau, et vous insistez pas mal là-dessus. Le verbe mouiller est très souvent présent, et dans La Maison du Canal, par exemple, en 1933, le titre le dit assez, l'eau est omniprésente. Alors effectivement, s'il y a un roman de Simenon où l'eau est omniprésente, c'est bien La Maison du Canal. Alors dans La Maison du Canal, l'eau est à la fois maléfique parce qu'elle va causer la noyade des chevaux, la mort indirecte d'un jeune garçon, mais en même temps, elle est bénéfique car Simenon compare les canaux, puisque nous sommes aux confins de la Belgique et de la Hollande, à des artères. Donc l'eau, c'est la vie. Et d'ailleurs, il a vécu sur l'eau, Simenon. On se doute que c'est parce qu'il appréciait cet élément-là. Oui, alors l'eau, d'une façon générale, va être appréciée sur un plan, je dirais, esthétique et visuel, parce que je parlais tout à l'heure des reflets, des chatoiements, mais l'eau est un miroir le plus souvent. Donc c'est effectivement une qualité que Simenon apprécie. Bernard Lavoine, on va continuer à parler avec vous de Simenon et de son rapport au monde des sens. Mais tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui Anne-Sophie Rouvelou de la revue Page des libraires. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Avec vous, on part aux quatre coins du monde avec trois textes différents et l'obsession comme fil conducteur. Tout à fait, ces textes sont très très différents, mais vous allez voir qu'à chaque fois, il y a vraiment une obsession qui revient et des images qui s'imposent, mais sans relâche, à l'esprit des personnages ou des auteurs. On part en France, tout d'abord, avec un court texte qui s'appelle « Faire mouche » de Vincent Almendros, qui est paru chez Minuit. Et dans ce texte-là, on fait la connaissance de Laurent, qui revient dans la maison de campagne où il a passé son enfance. Il est accompagné d'une femme qui s'appelle Claire, mais qu'il présente sous le nom de Constance. Donc ça, c'est le premier mystère, le premier jeu avec le lecteur, que le lecteur va quand même, comment dire, un petit peu comprendre au fil du texte. Parce que, c'est-à-dire qu'on sent tout de suite une grande crispation de la part de Laurent, qui est visiblement très mal à l'aise de retrouver un petit peu tous ses proches. Et au détour de certains dialogues, on apprend des choses un peu crispantes, j'ai envie de dire, comme par exemple sa mère lui aurait fait boire de l'eau de Javel, des choses comme ça. Oui, c'est crispant ça en général. Un petit peu, oui. Et en fait, on découvre d'autres secrets, deux familles comme ça, au détour des dialogues. C'est fait d'une manière assez froide et clinique. Et surtout, pour ajouter un petit peu encore une autre chose, il y a des motifs récurrents qui reviennent comme ça. C'est-à-dire que le narrateur, il voit sans cesse des mouches engluées, des mouches mortes dans la maison. Et tout ça, évidemment, ça crée une forte ambiance, voilà, où on n'est pas bien du tout. L'écriture de l'auteur, elle est mais limpide. C'est pas du tout dénué d'humour, parce que vous avez vu, il y a un espèce de jeu avec les prénoms, les deux prénoms féminins, donc vous verrez pourquoi. Et ce qu'on adore aussi, c'est que l'auteur, il nous emmène exactement, on sent qu'il nous guide et on le suit, mais jusqu'à la fin, et ben on va voir, je vous en dis pas plus parce que vraiment pour apprécier la chute, faut en savoir le moins possible, mais ce sont des monstres ordinaires en fait. Voilà. Autre obsession avec le dernier livre de Nona Fernandez, elle est chilienne, elle, et ce livre s'appelle La quatrième dimension, c'est chez Stock. Tout à fait, c'est effectivement le récit d'une obsession pour un nom, pour un visage, celui d'Andrés Antonio Valenzuela Morales, qui est un personnage qui existait, que je ne connaissais pas, qui est l'homme qui torturait en fait. C'était un soldat de Pinochet. Il était agent pour les renseignements, pour les forces armées. Et en fait, en 1984, il a accordé une interview à un magazine où il s'est livré. Il a reconnu avoir participé à des actes de torture, à avoir arraché des gens comme ça à leur famille, à les avoir massacrés vraiment comme des chiens en fait, hein. Le terme est fort mais c'est exactement ça. Et Nona Fernandez, elle est tombée sur cette interview quand elle était adolescente et ça l'a hantée. Et en fait, depuis ce temps-là, et c'est le récit en fait, ce roman-là de cette obsession, c'est qu'elle essaie de comprendre sans y parvenir en fait. Elle se demande vraiment combien de visages on peut avoir en tant qu'être humain et elle comprend pas comment ce tortionnaire il a pu commettre des atrocités et continuer à vivre comme on le fait tous. Et ce qui fait un petit peu la différence dans ce roman qui du coup est une sorte un petit peu aussi de narrative writing en fait, parce que vraiment c'est pas du tout du roman, c'est basé sur des faits réels, c'est que c'est une jeune cinéaste, donc elle a un rapport comme ça à la culture un petit peu différent et elle va utiliser des éléments de pop culture pour justement essayer de trouver une signification. Et ce qui est très intéressant, c'est que la quatrième dimension, ça renvoie effectivement à la fameuse série américaine qui s'appelle The Twilight Zone, où on se trouve dans une espèce de zone un peu trouble comme ça, un entre-deux, où il se passe des choses et où on comprend pas. Et elle va comme ça invoquer un petit peu plein de motifs de la pop culture. Et elle parle de Ghostbusters, elle parle des Avengers, des choses comme ça, pour essayer de comprendre, grâce à la fiction, les atrocités qui peuvent être commises. Puisqu'on est aux États-Unis, restons-y avec, pour finir, le livre de Jacqueline Woodson, Un autre Brooklyn, également chez Stock. Une autre obsession, Anne-Sophie Roulou. Oui, tout à fait, c'est celle des souvenirs, et j'insiste vraiment sur ce roman, parce que je l'ai lu deux fois, tellement il était beau, il faut vraiment le déguster, parce que c'est une écriture qui est magnifique. Et donc, dans ce roman, on fait la connaissance d'une une femme qui s'appelle Auguste, qui revient dans le quartier de son enfance à Brooklyn, qui s'appelle Bushwick, et pour dire un dernier adieu à son père qui vient de décéder. Et c'est l'occasion pour elle de se souvenir de l'amitié qu'elle a partagée avec quatre filles dans les années 70, dans ce quartier qui était extrêmement dangereux pour elle. Et donc c'est le récit de cette amitié où elles se protégeaient un petit peu ensemble, ces quatre filles. Et malgré tout, elles arrivaient à avoir des moments de joie assez intenses, hein, comme on peut avoir à l'adolescence, en fait, avec les amitiés. Et ce récit, il est vraiment construit comme une sorte de constellation de souvenirs. Et ce qu'il y a de vraiment beau dedans, hormis le côté très mélancolique, doux, amer, etc., c'est que c'est vraiment comme des... Moi, je pensais à des haïkus, en fait, dans le côté vraiment éphémère, c'est-à-dire que c'est beau, c'est poétique. Et en même temps, on sent, au moment où elle l'évoque, que c'est déjà en train de se terminer, les adolescentes, elles vivent le moment à fond, mais elles voient déjà qu'elles sont en train de se séparer, de prendre des moments, des chemins différents. Et c'est vraiment ce que voulait faire Jacqueline Woodson, elle voulait faire de la poésie. Voilà, trois romans qui vont, on l'espère, obséder nos auditeurs. Merci beaucoup Anne-Sophie Rouvelou de la librairie Chronique à Cachan et de la revue Page des libraires. On vous retrouve bientôt à ce micro. Merci. La compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au troisième jour de notre série consacrée à Georges Simenon. Nous sommes en compagnie de Bernard Allavoine, auteur notamment du livre Simenon et le monde sensible. Au moment où je vais écrire un roman, j'ignore absolument, absolument sur quel thème il va être écrit. Tout ce que je connais, c'est un certain climat, une certaine ligne mélodique. C'est presque comme un thème musical. Ça part souvent sur une odeur, par exemple. Je passe dans un chemin. Le jour où j'ai décidé d'écrire un roman, je passerai le long d'un chemin, je vais sentir les lilas, mettons, une bouffée de lilas. Eh bien, les lilas vont me rappeler certaines choses ou de ma jeunesse ou d'un autre âge, d'une certaine autre campagne, certain autre coin. Et je vais avoir envie de vivre pendant quelques jours dans cette ambiance-là. Et je vais me demander, mais... Voyons, qui vivait là? Que pourrait-il se passer dans ce coin-là? Je me souviens d'un tel, d'un tel, d'un tel. Je le transforme complètement. Il se mélange avec d'autres personnes que j'ai connues pour devenir des personnages complètement différents. Et puis à un moment donné, un de ces personnages m'habille comme un costume qui vous va bien. Vous savez, je sens que j'y suis à l'aise. Et je me dis, bon, ben maintenant, que va-t-il arriver à ce personnage-là? Ce n'est pas du tout une méthode de travail. Et encore une fois, j'insiste là-dessus. C'est complètement inconscient. Mais quant à un thème, je n'en sais absolument rien. Je sais que ce sera dans une odeur de lilas, dans tel coin au printemps, que le roman va se passer. Que va-t-il se passer? Je l'ignore. Et jusqu'au bout, j'ignore le thème. C'est une belle illustration, Bernard Allavoine, de votre thèse, qui consiste à dire que le déclencheur de l'œuvre chez Simenon, c'est le sensible. En l'occurrence, là, c'est l'odorat, c'est l'odeur des lilas. Oui, alors, effectivement, c'est une belle illustration. Il y a également un titre, « Il y a encore des noisetiers ». Alors, on peut rapprocher ce titre de son allusion aux lilas. Alors, les odeurs, elles sont très nombreuses. Hier, on a parlé de pédigré. Alors, ça peut être des odeurs de l'enfance, comme par exemple le sucré ou le chocolaté. Mais ça peut être, au fond, son rôle d'éponge. Il en a bénéficié toute sa vie. Et ses réminiscences, ses sollicitations, donc... C'est finalement la petite Madeleine de Proust. Voilà, on revient à Proust. On revient effectivement au début à Proust. De l'émission. C'est vrai que, a priori, on n'a pas forcément l'idée de faire la relation entre ces deux écrivains, mais vous expliquez qu'il y a des Madeleines de Proust au sens propre chez Simenon. Il y a de nombreuses Madeleines de Proust. Il y a d'ailleurs un texte de Simenon que Francis Lacassin avait retrouvé, qui s'appelle « Le compotier tiède ». Bon, c'est un texte de jeunesse qui relate son départ de Liège. Au fond, le compotier tiède, eh bien, c'est l'enfance qui disparaît. Il prend sa valise, il part à Paris. Et il se souvient du compotier de sa mère, c'est ça? C'est le compotier de sa mère avec des prunes et c'est très sucré. Hein, c'est une cuisine très sucrée. Et voilà, ce compotier. Bon, ce n'est pas. Je dirais ce texte, il n'est pas très intéressant sur le plan du style, mais il est intéressant parce que c'est vraiment la petite Madeleine de Proust qui va revenir. Sous tout un tas de formes. Il faut dire que Madame Maigret passe son temps derrière les fourneaux pour faire des choses qui ne sont pas toujours très réussies d'ailleurs. Alors oui, alors la cuisine, bon, effectivement, va jouer un très grand rôle chez Simenon, comme chez Proust. Je le redis à la fois, on mange beaucoup et on mange bien chez Proust et on mange aussi. Chez Simenon. Alors, il y a deux cuisines, en fait. Il y a la cuisine maternelle, qui est une cuisine flamande, avec des potées, des choses comme ça. Et puis, il y a la cuisine paternelle, qui est plutôt des rôtis ou des grillades. Et au fond, Simenon ne va pas choisir. Il va prendre les deux côtés et il va redonner ses goûts culinaires à Maigret. Et au fond, Maigret va autant apprécier la choucroute qui est toujours plantureuse que la blanquette de veau ou les andouillettes frites qu'il va manger dans les bistrots lors de ses enquêtes. Mais le haricot de mouton. Et le haricot de mouton, enfin il y a je veux dire tous les plats de brasserie. Il aime pas trop ça, le haricot de mouton. Il y a Courtine qui a fait un livre sur les recettes de Madame Maigret. Oui. Et au fond, et d'ailleurs, Madame... il y a eu un livre aussi sur les recettes chez Proust. Et le livre de Sandrins sur la cuisine de Proust. Là aussi, c'est un rapprochement un peu iconoclaste entre les deux auteurs qui ne jouent pas dans la même catégorie. Mm-hmm. Dans Pédigré, il y a aussi peut-être pas de la cuisine à proprement parler, mais il y a quand même le domaine des sensations qui est là. Alors, Pédigré, c'est vraiment, on en a parlé hier, c'est vraiment le roman de Simenon, si on peut appeler ça un roman, parce qu'il y a une large part autobiographique, qui permet de tout comprendre. Au fond, il est à part, mais on va y trouver beaucoup de couleurs, mais puisqu'on parle de cuisine, on va y trouver moins, j'irais, de la cuisine que des goûts. Et notamment, je parlais du chocolaté, là, avec les odeurs de la Saint-Nicolas à Liège. Ouais. Mais vous expliquez que Pédigré, c'est une autobiographie un peu déguisée. Simenon lui-même contestait un petit peu, il disait que tout est vrai, mais en même temps, rien n'est vrai. Tout est vrai sans que rien ne soit exact, c'est ça la citation exactement. Et pour vous, vous allez me dire si j'ai bien compris votre propos, Pédigré, c'est une autobiographie des sensations. Il a gardé réellement ses sensations de jeunesse et il a changé après un certain nombre de choses. Mais les sensations, ça c'est vraiment de l'ordre de l'autobiographie. Je pense que les sensations sont essentielles dans Pédigré. Alors, bien sûr, il y a aussi les personnages, parce qu'il a utilisé beaucoup de personnages de sa famille qu'il va transposer dans ses romans. Mais l'essentiel, c'est quand même les sensations. Ce que j'ai essayé, c'est d'avoir un style qui donne le mouvement. Avant tout, le mouvement. Supposez que quelqu'un entre dans cette pièce et qu'il retire son chapeau, ses gants et ouvre la bouche pour dire quelque chose. Eh bien, selon l'ordre dans lequel il retirera le chapeau ou les gants ou parlera, ça change complètement l'image du personnage. S'il retire son chapeau le premier et ses gants ensuite, vous n'avez pas la même idée, image que lui s'il fait le contraire. Donc, l'ordre des mots dans une phrase a une importance capitale. Beaucoup plus, à mon avis, qu'une syntaxe raffinée, qu'une élégance dans le mouvement de la phrase. Ce que je cherche, c'est également de n'employer que ce que j'appelle des mots matières. Après ce que je vous ai dit de ma haine, si je puis dire, de la raison pure, ou en tout cas de ma méfiance de la raison pure, je cherche des mots qui aient du poids. La compagnie des auteurs sur France Culture. On parle de Simenon avec vous, Bernard Alavoine, et des mots matières, un des seuls concepts forgés par Simenon. Est-ce que la description des sensations par Simenon passe par cette notion de mots matières? Alors, Simenon n'est pas un théoricien. Il a essayé, notamment dans deux ou trois interviews ou deux ou trois articles, de théoriser ce concept de mot-matière. Alors, ce n'est pas facile de trouver une véritable définition. Ce qu'on peut dire, c'est que le mot-matière doit être d'usage courant. Il doit pouvoir également être appréhendé à travers plusieurs sens. Ça, c'est très important. Donc, pas de mots abstraits. Il faut qu'il soit. Alors, ça peut être. Il faut qu'on voit une image quand le mot est prononcé, ou alors à la limite une sensation. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il puisse être appréhendé à la fois d'une façon visuelle, auditive et olfactive, par exemple. Donc, il peut y avoir le mot vent, le mot chaud, le mot froid. Il disait, les mots matières sont les équivalents des couleurs pures. Voilà. Oui, alors, si on prend les l'incipit du chien jaune, qui est un de ses romans les plus connus, c'est absolument extraordinaire de voir comment le vent est décrit dans les premières lignes du chien jaune. C'est-à-dire, c'est bien sûr le vent, on ne le voit pas, on voit ses manifestations, mais alors là, il va utiliser véritablement les sensations auditives. Il y a les poulies qui grincent. Enfin, c'est assez extraordinaire. Alors, ça peut être aussi la chaleur. Par exemple, la chaleur, la moiteur dans le coup de lune, c'est vraiment appréhendé à travers tous les sens. Ça peut être aussi des objets. Alors, je pense par exemple au poil, le fameux poil de Maigret. Ah bah dans Pédigré, là, mais aussi l'origine, dans c'est bien sûr le poil chez lui et le poil à l'école. Mmh. Et qu'on ça, entend exploser comme ça régulièrement. Voilà. Et pourquoi le poil est-il intéressant? C'est bien parce que, bien sûr, on le voit, on peut le décrire facilement, il rougeoie, mais il fait du bruit, il ronronne. Et puis surtout, il dégage de la chaleur. Donc, pour lui, voilà, avec ces quelques exemples, un mot matière, c'est ce type de vocabulaire qu'il faut privilégier. Et qui permet, finalement, c'est une technique narrative aussi, qui permet au lecteur de se sentir pleinement dans la scène, parce que c'est une écriture qui est faite d'images, encore une fois. Le but, effectivement, c'est que le lecteur puisse très vite appréhender ce vocabulaire, et ça permet aussi de traduire assez facilement. Il y a beaucoup de traductions à l'étranger, mais au fond, les traductions sont relativement faciles. Il n'en va pas de même, en revanche, pour le cinéma. We'll be right back. Alors, dans la deuxième partie de votre essai, Bernard à l'avoine, je rappelle son titre, Georges Simenon et le monde sensible, vous vous êtes intéressé à différents points stylistiques de la littérature de Simenon et notamment à la question du point de vue et de la voix. Et c'est vrai qu'il faut se poser la question de savoir qui parle dans les romans de Simenon. C'est pas une question qu'on se pose spontanément parce que précisément ça nous paraît évident, mais quand on y regarde de plus près, ça n'est pas si évident. On peut parler par exemple de Maigret. Maigret, à quelle personne est-il raconté ? Alors, chez Maigret, il va utiliser ce qu'on appelle le point de vue interne ou la focalisation interne, mais le plus souvent, parce que dans le roman, il va aussi s'intéresser aux autres personnages, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un point de vue au fond, on a accès à tout un tas de sentiments, de sensations de Maigret, mais on a accès uniquement à une partie, forcément, de ses pensées, parce que il peut pas tout nous dire, sinon le suspense n'existe plus. Donc il y a un jeu très subtil dans la focalisation interne chez le personnage de Maigret, et c'est tout l'art de Simenon. Donc on a l'impression que c'est une focalisation interne, mais en réalité, c'est bien souvent une focalisation externe, mais qui nous donne des éléments tellement précis sur, par exemple, le visage de Maigret à tel ou tel moment, sa moue, sa mimique, qu'on a l'impression que c'est une focalisation interne, parce qu'on comprend quels sont ses sentiments. Et ça, c'est assez puissant comme technique narrative. Oui, c'est un procédé. On a souvent dénigré le style de Simenon, en disant qu'il écrivait d'une façon très rapide, etc. Mais en réalité, sur le plan de la voix et du point de vue, c'est souvent des procédés qui sont extrêmement difficiles et qui sont beaucoup travaillés. Hein. Travaillés, mais à la fois qui lui sont naturels, puisque on sait très bien qu'il écrivait de manière très très spontanée. Donc il a ça finalement en lui, d'une certaine façon. Il est sans lui, il y a une grande part. Il fait ça naturellement. Il y a beaucoup de choses dont il n'est pas question. Moi, je lui avais posé un certain nombre de questions sur son style et souvent, il m'a répondu, je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est qu'en réalité, ça lui est spontané. Donc ça, c'est pour les Maigret. Et pour le reste, alors, pour les romans durs? Alors, pour les romans durs, eh bien là, il essaye de se mettre dans la peau des protagonistes. Alors, le plus souvent, c'est la victime ou quand elle n'est pas encore évidemment décédée, mais souvent le personnage déviant, donc l'assassin. Alors ça peut être le personnage Jean, le personnage de la veuve Coudert dont on parlait tout à l'heure, dont il se met véritablement dans la peau du personnage. Et puis, alors, il y a effectivement le cas particulier d'une quinzaine de romans qui sont écrits à la première personne. Mmh. Alors là, je dirais que cette fois-ci, par exemple, le médecin assassin de Lettre à mon juge, là, on est vraiment dans la peau du personnage. Et puis, il y a Je me souviens, qui devient ensuite Pédigré. Je me souviens écrit à la première personne, Pédigré à la troisième personne. Qu'est-ce que ça signifie, ce changement de focalisation ? Alors, le changement de personne entre Je me souviens et Pédigré. Alors, Je me souviens avait, on en a parlé hier, avait pas vraiment un but littéraire, hein. C'était destiné à son fils parce que Simenon se croyait malade. Et c'est Gide qui a conseillé à Simenon de réécrire le roman et de l'écrire à la troisième personne. Et donc d'en faire un roman. Et voilà. D'en faire un roman. Alors, et effectivement, il n'y a pas que le changement de personne, il y a aussi, on s'aperçoit que sur le plan du style, c'est vraiment retravaillé, c'est-à-dire que là aussi, il a éliminé des adverbes, il a éliminé parfois des descriptions un peu longues, c'est vraiment un ouvrage qui a été retravaillé. Bernard à l'avoine, on arrive au terme de cette émission, comment lit-on Simenon aujourd'hui ? Est-ce que les jeunes s'en emparent aussi ? Alors, je dirais que c'est un gros problème parce que, certes, la notoriété de Simenon, elle est là. Il y a une certaine reconnaissance des institutions. Il y a eu la Pléiade, etc. Mais, d'une part, l'université a toujours du mal à s'intéresser véritablement à Simenon, même s'il y a eu des thèses, etc. Et Patrick Modiano, quand même, s'est intéressé à Simenon, ce n'est oui, pas rien. Oui, alors, Patrick alors, Modiano pas le plus jeune, hein, évidemment, des lecteurs est un grand défenseur, est un grand défenseur de Simenon, et c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Alors aujourd'hui, ben je dirais qu'il est dans une position un peu inconfortable. Il n'est pas encore tout à fait un classique et il est plus tout à fait à la mode non plus. Eh bien de cela, nous parlerons demain plus largement. Ce sera avec Benoît Denis qui nous parlera aussi de l'amour chez Simenon ainsi que de l'inscription de ses romans dans l'histoire avec un grand H. Merci beaucoup Bernard Alavoine. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur Simenon, dont la plupart ont été publiés aux éditions Ancrage. Citons en 1998 Georges Simenon, Parcours d'une œuvre, en 1999 Les enquêtes de Maigret de Georges Simenon, Lecture de texte, et enfin plus récemment en 2017 le livre dont nous avons le plus parlé aujourd'hui, Georges Simenon et Le monde sensible. Tout de suite sur France Culture, c'est Le monde sensible de Jacques Bonafé. Bonjour, chanson tzigane, Auschwitz et mon manteau, Seija Stojka et notre fil rouge cette semaine. Ne me raconte pas d'histoire. Le temps avance sur ses propres pieds. Le temps est vieux, le jour lui n'a qu'un jour. Cours, petite poule, cours, et demain tu pondras un œuf. Demain est le jour qui passe, qui ne durera qu'un jour. Cours, petite poule, cours, et demain tu pondras un œuf pour le temps passé. Et réponse tirée d'un poème d'Hélène Dorion dans « Comme résonne la vie », sorti chez Bruno Doucet. « Comme résonne étrangement la vie que tu vois se lever au milieu du brouillard de l'enfant que tu étais hier encore à la table où ton père ou ta mère fouillait le quotidien. » Sarclait la terre, arrachait les herbes égarées parmi les tulipes hautes qui flottent encore dans le jardin comme des étoffes et mesurent les vents à venir. Alors, comme résonne étrangement la vie derrière la tempête qui broie ton corps d'enfant, jette des marées de solitude sur tes rêves, crois-tu? Un mouvement de lumière gagne sur la brume. Peu à peu, tu défriches la forêt du passé, vois le chemin où naissent et glissent dans la terre les fragiles espérances. Tu entends soudain la pulsation du monde. Déjà tu touches sa beauté inattendue. Dans ta bouche fondent les nuages. Des ans de lutte et de nuées noires où tu cherchais le passage vers l'autre saison. Et comme résonne étrangement l'aube à l'horizon, enfin résonne ta vie. Comme résonne la vie. Un recueil de Hélène Dorion, née au Québec en 58. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages de poésie au Québec. Imprévisible, et peut-être que ça se dit imprévisible, quand surgit ce désordre d'escaliers, de ruelles et de sentiers qui se perdent parmi ce qu'on détruit et reconstruit, tu pourrais laisser s'achever la musique, demeurer dans le fauteuil du poème et regarder ce qui viendra par la fenêtre. Tu pourrais ne plus noircir ton cahier, ne plus grimper aux arbres de l'histoire. Tu pourrais rejoindre le sommet des montagnes où chaque pas te rapproche de l'aube. Tu pourrais chuter du haut des falaises, même rester la vie entière en apnée, ne rien voir du réel ou de l'absolu qui chatouille ta langue, ne rien ressentir dans ce cœur qui vacille. Tu pourrais monter dans les trains de nuit, traverser l'imprévisible, les paysages vertigineux du creux de tes mains, ouvrir d'autres routes, ouvrir encore d'autres poèmes. Jacques Bonafé, merci.